Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Pendant les Jeux olympiques, Dolbeau Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98 $ par semaine pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. On va parler de l'histoire qui fait parler pas mal le Saguenay, mais une partie du lac Saint-Jean aussi, parce que c'est des répercussions ici. Ça peut même avoir certaines répercussions au lac Saint-Jean. Les équipes qui vont jouer au Saguenay, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? On va parler avec Michel Tifaut. Michel Tifaut qui est notre collaborateur, mais qui est aussi le responsable de la ville du sport au Saguenay. Salut Michel! Oui, bon matin, Dani. Bonne journée. Michel, d'abord, première question que je me suis posée. C'est sûr que vous étiez pas là au mois d'août, mais quand la toiture a été... Il y a personne qui surveillait au mois d'août ce qui s'est passé, puis ils ont dit cet hiver, s'il y a de la neige, il va y avoir un problème, ça peut même arriver qu'on soit obligé de fermer. Un peu prévoir ça, quoi. Il y a pas personne qui a pensé à ça. Comme tu dis, là, moi j'étais pas là au mois d'août. Ouais. C'est sûr et certain que même au mois d'août, il y avait une problématique. Ça fait des années qu'on le sait. Qu'il y a une problématique avec le toit de San Giorgio. Maintenant, vendredi, les experts, les ingénieurs, nous ont dit qu'il y avait certains dangers. Alors, à la lumière de ces informations-là, on a pris la décision vendredi, en fin de journée, de fermer temporairement le San Giorgio. OK. 3 semaines. Puis, temporairement, ça s'est fait durant une pratique, je pense, du patinage de vitesse sur courte piste. Finir la journée, il n'y avait pas une possibilité, parce que les assurances, probablement, questions d'assurance. Alors, nous autres, aussitôt qu'on a pris la décision, on a demandé aux dirigeants de la ville d'aller aviser les gens qui étaient au centre Georges Vizina de quitter, évidemment, le feu n'était pas pris, là. Mais non, ils ont eu le temps de terminer leurs affaires, mais à partir de 18h, le plus vite possible, on a fermé les portes du centre Georges Vizina. OK. Le 3 semaines, est-ce que c'est vraiment... préventif, ou c'est-tu vraiment 3 semaines? Moi, j'ai l'impression qu'on a dit 3 semaines, mais arrêtez, c'est la fin de l'année, parce que c'est pour pas faire paniquer le monde. Est-ce que c'est... J'aimerais bien ça te donner une réponse ce matin, Dani, mais je suis pas un spécialiste, je suis pas un ingénieur. Ouais. Quand ils vont nous donner le rapport dans 3 semaines, ben là, on va être en mesure de prendre une nouvelle décision, mais pour l'instant, c'est 3 semaines. OK. Quand le premier ministre dit il est très favorable à un nouvel amphithéâtre, il me semble que ça allume, ça doit allumer des lumières, me semble que là, puis surtout ce qui est arrivé vendredi, me semble que du côté, on doit plus s'enligner de ce côté-là. Ben, je sais pas si tu as écouté le reportage à Radio-Canada samedi, quand on a repris la conversation du premier ministre Couillard, qui dit ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que ça prend un centre Georges Vézina. Ben moi, ils m'ont fait entendre ça, puis j'ai répondu tout de suite, je le sais que ça prend pas la tête à Papineau, mais ça prend de l'argent. Puis là, l'argent, ben, il faut trouver, tu sais. Puis évidemment, le premier ministre, c'est pas manifesté. Il a pas dit, ben, je suis prêt à donner tant d'argent. Ça va prendre des subventions. Alors, dans 3 semaines, on va être en mesure de vous en dire plus long là-dessus. OK, OK. Quand on dit que ça va augmenter les taxes de 4%, sur quoi vous basez pour dire ça? On sait même pas le coût final du projet. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça, là. Tu sais, c'est des chiffres, là. C'est des chiffres, tu sais, avant de dire quoi que ce soit. Tu sais, il y a beaucoup de réponses, Annie, que je voudrais bien te donner, mais que je suis pas en mesure, parce que nous autres, on a pris la décision de fermer le San Giorgio Vézina temporairement vendredi soir, mais là, pas besoin de vous dire qu'on est en réunion toute la journée, toute la semaine. Alors là, plus ça va avancer dans nos réunions, ben plus on va être en mesure de vous donner des réponses sur certaines questions. Mais là, c'est encore tout frais. En fin de semaine, mais il n'y a pas eu des réunions en fin de semaine. Les gens de la Commission des sports se parlent aujourd'hui, mais en fin de semaine, ne se sont pas nécessairement parlé. Enfin, c'est pour ça que je ne peux pas te donner des réponses à toutes tes questions. J'aimerais bien te donner des réponses, là. Mais ça, les réponses vont venir au fur et à mesure où les gens vont se parler cette semaine. OK. Michel, qu'est-ce qui arrive avec les différentes ligues? On parle beaucoup des Saguenay, on parle beaucoup des Marquis, que c'est, au niveau de logistique, c'est... Ça va être très compliqué. Juste pour la bière, exemple, les Saguenay sont avec la Voie-Maltée, puis Molson est avec le Palais des Sports avec les Marquis. Tout ça, ça va être compliqué, ça, gérer tout ça, là. Bien, les réponses, on aura tout ça en fin d'après-midi. Ouais. Je sais que les dirigeants des Marquis et des Sags se parlent ce matin. Maintenant, pour ce qui est des autres utilisateurs, en fin de semaine, patinage de vitesse, les juniors ont pratiqué à Alma. Pour ce qui est des seniors, parce qu'il y a un championnat canadien qui s'en vient à Calgary dans un mois et demi, alors eux devront probablement les pratiquer à Québec, parce que la seule autre grande place, c'est du côté de Québec. Je sais que ça, il y a plein d'inconvénients, le hockey mineur, le patinage libre, les ligues de garage, mais les utilisateurs principaux sont les Saguenayens. Le match de mercredi est remis, est reporté, la partie qui va avoir lieu contre Drummondville mercredi, c'est reporté. Dimanche, il y a un autre match, à 16h cet après-midi, une conférence de presse, puis là, on va vous confirmer qu'est-ce qui va en être. Là, il y a des discussions aujourd'hui. Alors, c'est toutes les réponses qu'on va pouvoir vous donner probablement demain. Là. OK, OK. Le taux d'occupation du Centre Georges Vézina, c'est combien? Hein? Dans quel sens? Ben, dans quel sens? Les ligues de garage, en pourcentage, les Saguenayens... Les utilisateurs, ce sont les Sags, les entraîneurs, ouais, les Sags, il y en a tous les jours, les matchs. Mais quand il n'y a pas de match, puis la priorité, c'est les Sags, les autres sont les... Oui, mais il y a des ligues de garage qui doivent jouer au Centre de vitesse. Ouais. Ben, les ligues de garage, c'est ça. Alors, eux, ben, tu sais, il y a d'autres arénas. Si on est chanceux à Saguenay d'avoir un autre ancien house tout près, qui est capable de pallier la situation pour les trois prochaines semaines, quand je parle du Palais des Sports. Tu sais, le Palais des Sports, il rentre 3000 personnes. Fait que si on ne l'avait pas, le Palais des Sports, là, on serait vraiment à problématique. On serait obligé... Les Sags sont obligés de jouer, quoi, à Bécomo, ou à Québec, ou à Shawinigan. Là, heureusement, on a un after. Évidemment, la Ligue junior va avoir des exigences. C'est ça qu'on... Est-ce que vous êtes en discussion avec Gilles Courteau? Les gens sont confirmés à 16h. Ouais. Est-ce que vous êtes... Est-ce que la Ville, sûrement, t'es en discussion avec Gilles Courteau quasiment d'heure en heure? Ben, c'est ça. Là, je termine mon entretien avec toi. Ben, après ça, je parle avec ma commission des sports, je parle avec des Sags, je parle avec des Marquis. Gilles Courteau, je ne sais pas, je vais lui parler aujourd'hui. Là, mais lui, c'est lui qui a fait ses exigences au niveau des Sags. Alors, c'est toutes des réponses qu'on va savoir en fin d'après-midi. Là. OK. C'est différent d'une ligne ouverte, Michel, hein? Non, c'est différent. J'ai mon travail d'animateur à la radio. Comment est-ce que vous... Quand je suis en onde à la radio, je suis en onde à la radio. Quand je suis en onde à la radio, ben là, je suis... Michel? Michel, du président de la commission des sports, là, c'est un autre chapeau, c'est l'autre dossier à travailler. Comment tu trouves ça? Parce que dans le fond, moi, je t'appelle pour une entrevue. Par contre, tu as le rôle de l'animateur également. Ça doit être assez particulier. Parle, la commission des sports, je te parle pas comme animateur. Oui, mais ça doit être... Oui, mais tu es même pareil. Là. Ça doit être spécial, pareil, à vivre. Oui, c'est spécial. Sauf que je faut que je sois prudent. Quand je suis dans les pantalons du président de la commission des sports, j'ai certaines choses à dire. Puis quand je suis animateur, ben, c'est moi qui pose les questions. Mais tu peux pas te poser des propres questions à toi-même, c'est ça l'affaire? Non, ben si à un moment donné le besoin se le fait sentir, ben j'ai un co-animateur qui s'appelle Dominique Bolduc, ouais, qui est capable de poser des questions. D'ailleurs, ce matin, j'ai répondu aux questions à André Deschênes, ouais, son émission du matin à CKG. Faut quasiment que tu te retires. Capable de faire la part des choses. Faut quasiment que tu te retires de ce dossier-là. Tu dis, regarde, je vais faire les entrevues ailleurs, mais pour ça, je vais me retirer de ça. Qu'est-ce que tu as? Hey Michel, on se parle demain sur les ondes de CKG. Est-ce que tu es là demain? Oh oui, je suis là. Cet après-midi, on fait notre émission en direct du Centre Georges-Vézina. Ou en direct, en tout cas, je ne sais pas à quel endroit on va être exactement. Là. Mais on va faire notre émission où les Saguenayens vont tenir leur conférence de presse. OK. Ben, merci beaucoup. Donc, c'était Michel Tifo, qui est le responsable des sports à Ville-Saguenay.